porte à mes amours mortes, sans guère oublier la blessure du fleuret, sans même faire la part entre ombre et désespoir, et sans combler le vide dont l'abîme me rit, et dont l'abîme me rit. J'aspire à ton amour qui souffle sur mes bras. J'aspire à ton amour qui empêche mon cœur de souffrance. L'état de la douleur, quand la paix en conçoit toute la somme de mes peurs, sans même combler la faille causée par mon passé, sans que rien vraiment n'aille mieux que ça n'a été, mieux que ça n'a été. just be.